Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio aux coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une habitude. Cette semaine, l'islam sur le divan, une série de Seham Boutata réalisée par Alexandra Longuet avec la bourse Gulliver. Au départ de cette série, il y a une documentariste aux origines syriennes qui se demande pourquoi elle refuse de s'allonger sur le divan. Et l'envie de savoir si d'autres, qui se sentent appartenir au monde musulman, sont eux aussi réticents. Et puis l'envie d'explorer les villes, les langues, les cultures et l'histoire de l'Orient et du Maghreb pour voir où finit par se nicher l'espace de l'analyse dans les parcours de chacun. Et enfin se demander si cette science bourgeoise, judéo-chrétienne et européenne peut réellement s'adapter partout, ou si peut-être sous d'autres noms et avec d'autres usages, elle n'existe pas déjà, plus ou moins, depuis longtemps, un peu partout. Alors pour commencer, les personnages. Un écrivain et une pierre d'oubli, une société où le sujet a peu de place, un vieux psychanalyste un peu isolé, une jeune analysée, un conseiller religieux qui soigne les âmes, et un psychanalyste qui cherche une place pour les angoisses de mort. Ensuite le décor, des mots qu'on ne sait pas traduire, des divans sur lesquels les patients préfèrent ne pas s'allonger, la peur de la folie, la pudeur comme principe, des psychanalyses où l'on ne parle pas de sexe, la vie trépidante de Téhéran et la maïeutique socratique. Aujourd'hui, premier épisode, on est en Iran. Psychanalyse. Ben vous, ici, le divan, la psychanalyse, quoi. Je trouve ça débile. Pourquoi vous êtes venu là? Le mot conscience, le mot identification et le mot même sujet n'existent pas dans la pensée arabe. Vous ne m'avez jamais comprise. Est-ce que vous pensez que l'islam et la psychanalyse sont compatibles? Est-ce qu'on peut faire une analyse sans se sentir citoyen? C'est pas en arabe qu'on trouvera des difficultés pour traduire censure et refoulement. Téhéran, le dip en crise. Un documentaire de Seham Boutata, réalisé par Alexandra Longuet. Sanghisabour, c'est une pierre légendaire, imaginaire, qui existe dans les traditions en Asie centrale. Atik Raimi, écrivain et réalisateur. Alors, chez nous, cette pierre, dès qu'on la trouve, on la dépose devant soi, on parle avec cette pierre, on lui déverse tout ce qu'on a sur le corps, tous les non-dits, tous ses malheurs, tous ses secrets. La pierre vous écoute, absorbe tout, et un beau jour, elle éclate. Et ce jour-là, vous êtes libéré de vos peines, de vos souffrances, de vos secrets, etc. C'est une psychanalyse de pauvre. Hein. Mais pour moi, en dehors de ça, c'est plutôt une métaphore de cette situation dans laquelle l'être humain se trouve. Donc, parce qu'il y a tant de secrets, il y a tant de choses à dire. Il faut quelqu'un pour les écouter. C'est la métaphore de dire et d'écouter. Hein. Malheureusement, dans des pays comme ça, oui, là où il y a la religion qui domine tout, la tradition, les non-dits, les tabous, les interdits, on ne peut pas tout dire. On garde tous ces secrets à l'intérieur de soi-même. La psychanalyse, c'est quoi? C'est tout ce qu'on raconte, c'est le fond d'un être, d'un individu. Alors que dans ces pays-là, l'individu n'existe pas. Le sujet n'existe pas. L'individu appartient à sa famille, l'individu appartient à sa culture, à son ethnie, à sa religion. Donc, parler de soi-même n'a plus de sens. D'où l'invention de la pierre de patience. Si en Occident, il y a eu la pensée chrétienne, quand même, la confession, c'est une sorte de psychanalyse, quoi que l'on dise. Dans le judaïsme, vous voyez, c'est quoi? C'est l'interprétation de texte, l'interprétation de parole, toujours. Alors qu'en islam, non. Il y a un décalage par rapport à l'essence même de la psychanalyse, qui est l'interprétation. Nous, on n'a même pas droit à traduire le Coran, à comprendre le Coran. Comment peut-on l'interpréter? L'interprétation du Coran n'appartient qu'à quelques imam, quelques moulins, c'est tout. C'est en soi assez problématique. L'Iran, je crois qu'elle essaye justement de s'orienter depuis un certain temps vers cette interprétation. Tant mieux. Je m'appelle Séam, je suis née en France, mon père est né en Algérie et ma mère en Syrie. Longtemps, j'ai hésité à m'allonger sur un divan. Au départ, je pensais que c'était lié à mes origines et à ma culture musulmane. Pourtant, lors de différents voyages effectués dans le monde arabo-musulman, j'ai découvert que la psychanalyse était présente dans de nombreux pays. J'ai donc décidé de m'y pencher de plus près et d'enquêter sur la place que celle-ci prenait. Évidemment, et je suis bien placée pour le savoir, le monde musulman n'est pas fait d'un bloc. À Téhéran, la culture perse millénaire côtoie la culture moderne et musulmane. Loin des clichés et des fantasmes, la capitale iranienne s'affiche comme l'une des villes les plus modernes du monde musulman, dans laquelle la psychanalyse s'est implantée depuis les années 70. Exit la pierre de patience, les secrets ont désormais l'oreille du psychanalyste pour être entendus. Mohammad Sanati, psychanalyste. Les premiers psychanalystes qui se sont rendus en Iran sont venus ici dans les années 50, comme le docteur Mahmoud Sanaï, qui était un personnage très influent à l'université et en politique. Il était psychiatre. Ou encore le docteur Sahab Zamani. Bien qu'ils aient été influents et qu'ils aient apporté des contributions précieuses sous forme de livres et d'articles, ils n'ont pas enseigné de façon systématique la psychanalyse analytique, ce qui lui aurait pourtant permis de se propager davantage. Une partie des écrits de Freud a été traduite dans les années 20 à 40. Les traductions de Jung sont arrivées plus tard. Jung est plus proche du mysticisme persan. Et d'un autre côté, les gauchistes en Iran portaient beaucoup d'intérêt à l'approche psychanalytique de l'école de Francfort, avec Erich Fromm, qui était lui-même de gauche. Ce sont des travaux qui étaient lus avant la Révolution. Et donc, la plupart des mots avaient été traduits. Malgré cela, j'ai essayé d'écrire un glossaire plus précis, en proposant des synonymes pour ces mots, les mots de la psychanalyse. Notre problème ne se limitait pas au lexique de la psychanalyse, mais à celui de nombreuses sciences humaines, depuis la Renaissance, et ce, des langues européennes, occidentales, anglaises, françaises, allemandes vers le persan. Une des premières choses à faire a donc été de trouver les mots équivalents, car cela avait provoqué des malentendus. Les équivalents qui avaient été choisis pour certains mots n'avaient pas de sens. Comme « ego », qui veut dire « moi » ou « I » en anglais. Il avait été traduit par le mot de vocabulaire « soi », qui signifie « self ». Et cette confusion est toujours d'actualité dans certaines traductions. Cela vaut pour de très nombreux mots, 30 ans après, parce que les traducteurs de ces travaux n'ont apparemment pas étudié la psychanalyse. Ce sont des traducteurs généralistes. « Ils attachèrent encore une fois leurs chevaux et le malheur commença de s'accomplir. Le temps de Sohrab était venu et son corps était sans force. Rostam, semblable à un lion, le jeta par terre. Mais sachant qu'il ne resterait pas longtemps sous lui, il tira soudain du fourreau son épée et fendit la poitrine de son fils au cœur prudent. Sohrab, se tordant, exhala un grand soupir et sentit qu'il n'avait plus à penser ni au bonheur ni au malheur. Il dit à Rostam, « C'est ma faute. Le sort t'a mis en main la clé de ma mort. Tu es innocent. C'est le ciel voûté qui m'a élevé. C'est lui qui me tue prématurément. Mes compagnons d'âge jouent encore dans la rue et moi, mon corps gît dans la poussière. » Ma mère m'a dit à quelle marque je reconnaîtrais mon père et ma tendresse pour lui m'a conduit à la mort. Je l'ai cherché pour voir son visage. J'ai sacrifié ma vie à ce désir. Hélas, ma peine a été inutile. Je n'ai pu voir les traits de mon père. Maintenant, dusses-tu devenir un poisson dans la mer, te cacher dans les ténèbres comme la nuit, te réfugier dans le ciel comme une étoile. Arraché du monde le soleil éclatant, mon père tirera vengeance de toi quand il verra qu'une brique est devenue ma couche. Un de ces grands, un de ces fiers guerriers attestera à Rostam que Sohrab a été jeté à terre misérablement pendant qu'il cherchait son père. À ces mots, la tête de Rostam se troubla. Le monde devint confus devant ses yeux. Son corps faiblit. La force et la vigueur lui manquèrent. Il tomba et la raison l'abandonna. Le livre des rois, Ferdowsi. Rostam tue Sohrab. Dans un discours datant de 1969 à propos des héros du Shahnameh, le livre des rois de Ferdowsi, le docteur Mahmoud Sanaï a expliqué le concept du meurtre du père, du meurtre du fils et du meurtre du frère dans le Shahnameh. Et il a placé le meurtre du père, qui illustre le complexe d'Œdipe, en opposition avec le meurtre du fils, en parlant cette fois de complexe de Rostam, le héros du Shahnameh. C'est à partir de là que les Iraniens ont commencé à remarquer que dans la société orientale, le meurtre du fils était plus répandu, alors que dans la société occidentale, c'était le meurtre du père qui était plus courant. Et ils se sont mis à expliquer les divergences entre la modernité et le progrès en Occident et l'archaïsme des pays orientaux avec cette grille de lecture. Là-bas, les pères représentants de la tradition étaient tués, alors qu'en Iran, ce sont les fils, symboles de la nouveauté et de l'avenir, qui étaient tués. Il y a des conditions historiques pour l'entrée de la psychanalyse dans une société ou dans une culture. Fethi Ben Slama, psychanalyste. La première des conditions, elle est liée à l'entrée d'une manière massive de la science dans la société et particulièrement de la psychiatrie. Quand la psychiatrie pénètre, ce qui se passe, c'est que les théories démonologiques, notamment, vont reculer. Et à ce moment-là, on a une théorie scientifique du psychisme, et c'est sur ce fond de théorie scientifique du psychisme que la psychanalyse peut entrer. Ensuite, il y a des conditions politiques, c'est-à-dire des états de droit respectant les individus et garantissant que ce qui peut se passer dans les cabinets, ce secret puisse être gardé et sauvegardé. Mohamed Sanati, psychanalyste. Depuis mes débuts, je me suis toujours demandé pourquoi. Est-ce que ceux qui étaient venus travailler en Iran, les psychanalystes et les psychiatres orientés psychanalyse, n'avaient pas réussi à importer la psychanalyse à l'université ou à l'enseigner, la transmettre? Et pourquoi ne s'est-elle pas diffusée davantage auprès de la population? Ce que je veux dire par là, c'est que les gens ne consultaient pas de psychanalystes ou de psychiatres. Je me suis dit que peut-être c'était parce que la psychiatrie s'était trop attachée au traitement de la psychose. Et psychose voulait dire folie. Et donc, toutes ces névroses, les troubles de personnalité, les problèmes relationnels n'étaient pas pris en compte. Seule la schizophrénie, les maladies bipolaires comptaient. Voilà ce qui se passait d'un côté. Et de l'autre côté, les psychiatres plus anciens ont tenté d'introduire une psychanalyse élitiste, avec des codes très stricts, tels qu'ils existaient partout dans le monde. Et donc, ni cette forme de psychanalyse, ni la psychiatrie que j'ai évoquée ne convenaient à la population. Vous avez exercé la psychanalyse pendant près de 30 ans en Iran. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes évolutions que vous avez vues ? J'avais tellement de consultations qu'au bout de 6 mois, je n'avais plus de place pour accepter de nouvelles personnes. Nombre d'entre eux avaient entendu parler de moi dans les médias. Au bout d'un an, j'ai commencé à organiser des psychanalyses groupées pour faire profiter davantage de monde. Mais en Iran, comme les femmes et les hommes étaient séparés depuis des siècles, j'ai organisé ces groupes d'analyse par sexe, hommes et femmes séparés. Et ces groupes ont eu, eux aussi, beaucoup de succès. À cette époque, les psychanalyses en groupe non mixte n'étaient pas la norme en Europe et en Occident. Sauf peut-être pour des homosexuels ou des femmes souffrant de dépression postpartum. Eux, ils étaient intégrés à des groupes non mixtes. Au quotidien, j'utilisais plutôt la position allongée, celle qu'on appelle le divan, pour les patients individuels en psychanalyse, psychoanalytique et en psychothérapie. Et dans le même temps, mes groupes ont connu beaucoup de succès. Résultat, parfois je voyais jusqu'à 20 groupes par semaine, et chaque groupe comptait 12 participants. Contrairement à ce qu'on pense, ils se livraient facilement. Leurs problèmes, tous les tabous, les interdits, surtout les femmes qui étaient plus à l'aise que les hommes. Les hommes sont plus difficiles. Ils se croient parfaits et sans défaut. Abbas Omid, psychanalyste. La psychanalyse est restée classique et fidèle aux disciplines premières. Naturellement, il existe peu de cas qui se prêteraient à ce type de traitement. Un traitement au résultat très incertain, qui peut durer longtemps et coûter très cher. Le plus important pour celui qui souhaiterait se lancer dans un processus de psychanalyse est la capacité à supporter l'échec durant des années et sur des périodes longues. Il existe des personnes capables de suivre ce style de psychanalyse, mais elles restent une minorité. Celui qui fait l'analyse doit s'allonger sur le divan, dos au psychanalyste, et ils ne doivent pas tisser de liens réels, humains. Toute relation doit être symbolique ou projective. Mais dans la psychothérapie, on se place l'un en face de l'autre. Parfois, je m'expose pour calmer un peu mon patient, qu'il ne s'imagine pas que sa crainte ou sa peur est pathologique. Est-ce que la plupart des gens viennent vous voir pour une psychothérapie ou une psychanalyse ? Non, ça c'est le psychothérapeute qui le détermine. Même si la personne au téléphone qui appelle demande plutôt une psychanalyse ou une psychothérapie. Parce que ce que les gens appellent psychanalyse est très différent de ce que nous considérons avec une approche scientifique. Il serait une centaine de psychanalystes à exercer à Téhéran. Difficile de connaître leur nombre exact, cette profession n'étant pas reconnue par l'État. Mais une chose est sûre, la demande d'écoute augmente. Olka, jeune trentenaire, fait partie de cette nouvelle génération citadine qui aspire à plus de liberté. Après des études en France, elle a fait le choix de rentrer dans son pays pour enseigner la musique et le théâtre aux enfants. Si je ne me trompe pas, j'ai pris la décision l'an dernier. Même si cela fait un certain temps que je voulais aller chez un psychanalyste et expérimenter la thérapie, je ne sais pas ce qui me retenait, la paresse ou une guerre intérieure. Dans tous les cas, cela a pris du temps jusqu'à ce que je vive une séparation amoureuse, il y a 4 ou 5 ans. Peut-être la relation amoureuse la plus sérieuse de ma vie. C'était très lourd à porter. Et après 3 ans toute seule, j'étais dans une situation psychologique telle que je me suis dit que voir un thérapeute pourrait m'aider. Et il s'avère que j'en ai eu l'occasion, car une amie proche, une amie de ma famille, consultait chez cette personne, et elle me l'a recommandée. Ça m'a rassurée. C'était important pour moi de savoir chez qui j'allais. C'est une femme, et je la voyais une fois par semaine, pendant 6 mois l'année dernière. Mais j'ai arrêté pendant 1 an parce que c'était un peu dur financièrement. Et peut-être pour d'autres raisons, je ne sais pas. Et maintenant, ça fait 2 mois que je suis retournée la voir. Si je dois parler des sujets que j'aime aborder avec elle, à chaque fois que je l'ai consultée, je dirais que j'aime lui parler de mes relations amoureuses et sexuelles, qui sont mes préoccupations principales. Mais comme je vous ai expliqué, avant je pensais les choses de façon trop systématique. Je pensais qu'il fallait que je ne parle que de ces problèmes-là pour arriver à les résoudre. Mais maintenant, on part de mes histoires amoureuses et sexuelles pour aborder mon enfance, et je découvre des choses sur moi, sur mes strates intérieures. Aujourd'hui, ce qui m'importe le plus, c'est de me connaître mieux. Thank you. Abbas Omid, psychanalyste. Nous ne vivons pas dans une société individualiste, mais une société où la vie est collective, avec beaucoup d'interactions entre les uns et les autres. Ici, lorsqu'on parle d'individu au sens occidental, cette notion est confrontée à une forme de résistance publique. Ici, c'est perçu comme amoral, comme de l'égoïsme. Les gens accueillent avec plaisir le fait de s'intéresser à définir les contours de leur individualité, mais jusqu'à un certain point. Car d'un autre côté, ils se retrouvent confrontés à une résistance culturelle puissante. C'est pour cette raison que parfois nous avons des difficultés avec certaines personnes qui viennent consulter pour une psychanalyse et qui devraient être considérées comme des adultes du point de vue de leur âge. Par exemple, une personne de 30 ans, eh bien c'est un individu, mais dans la pratique, il ne peut pas être considéré comme un être séparé de sa mère, de sa femme, de son père et des nombreuses personnes de son entourage. C'est comme si tous ces gens étaient eux aussi présents dans la salle au moment de la consultation avec lui. بدون نقش و بدون صورت به یکی جام منو تو منو تو بی منو تو جمع شویم از سر ذوق خوش و فارغ ز خرافات پریشان منو تو. Ce qui représente la liberté à mes yeux, je dis à mes yeux car j'ai grandi dans une famille ouverte d'esprit et j'ai toujours eu le droit de faire ce que je voulais dans ma vie. Mais quand tu évolues en ville, dans la société, ça n'est plus du tout de ton ressort ou celui de ta famille. C'est pour ça que je distingue ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. À l'extérieur, je ne peux pas me comporter comme je veux. Je porte le voile, je dois respecter la loi de mon pays, du point de vue de mon apparence. Je suis très exposée au jugement des gens à l'extérieur. Pour moi, c'est synonyme de privation de la liberté. Je n'ai pas le droit de chanter, d'embrasser mon petit ami dans la rue, de m'allonger sur un banc, ou d'aller danser le vendredi soir, par exemple. Tout cela signifie pour moi une privation de la liberté. Je voudrais ajouter quelque chose. Je pense qu'aller voir un psychanalyste en Iran est encore plus indispensable qu'ailleurs, à cause du contexte dans lequel on vit. Parce qu'on est toujours obligé de cacher les choses et de s'auto-censurer, à cause du fossé qui existe entre la vie à la maison et à l'extérieur. Aller chez le psychanalyste est un peu comme un antidote. Et ça vaut pour moi, car jusqu'à un certain âge, tu peux parler de tes problèmes avec tes parents. Mais ensuite, tu grandis et tu ne veux plus les inquiéter. Mais en même temps, tu es essaie de te calmer comme tu peux pour rester sain. Ça n'est vraiment pas facile, parce qu'il faut souvent se montrer sous un autre jour que ce que tu es vraiment et cacher tes émotions. Donc je pense qu'aller chez un psychanalyste est essentiel en Iran. La question, c'est qu'en fait, on aime bien d'avoir toujours la tradition, d'avoir toujours les règles religieuses, mais il y a un moment que ça marche plus avec la réalité d'aujourd'hui, en fait. On aime bien de vivre avec une image acceptée, une image connue, mais cette image-là, on aime bien le donner, mais derrière, on a envie de vivre d'autres choses, parce que c'est une réalité qui nous amène vers un autre mode de vie qui marche plus avec cette tradition, avec les règles de la religion. C'est vraiment, c'est en train de changer, en fait, la société. Mitra Farhani, réalisatrice. Oh, man. Mohamed Sanati, psychanalyste. J'ai toujours pensé, au contraire de ce que disent les autres, que la psychanalyse et l'islam, surtout la mystique iranienne, ont plus de points communs qu'avec la culture chrétienne de l'Europe. Nous avons beaucoup de concepts similaires à la psychanalyse. Dans le christianisme, en particulier dans sa version catholique, le corps et les plaisirs du corps étaient interdits, alors que dans l'islam, ce n'est pas le cas. Je ne perçois pas de contradiction entre l'islam et la psychanalyse. Mais il y a eu des malentendus. Ils ont été générés par un certain nombre de musulmans zélés et des musulmans de gauche. La psychanalyse a été attaquée sur deux fronts. Le premier en Russie, avec le marxisme-stalinisme, et le second en Allemagne, avec le nazisme. Et plus tard, dans les années 50 et 60, il existait une forme de résistance à la modernité en Iran et dans les autres pays du tiers-monde. Ce à cause de quoi toute idée qui venait de l'Occident pouvait être mal interprétée et générer des malentendus. Mon rôle a alors été d'éclaircir les choses. Par exemple, comme je l'ai écrit dans mes articles, les Iraniens pensaient que Freud incitait à une liberté sexuelle, alors qu'ils cherchaient plutôt une régulation sexuelle. Ils pensaient que quand on parlait de complexe d'Oedipe, cela voulait dire que tout garçon devait coucher avec sa mère. C'était un malentendu, évidemment. Il n'était pas question que quelque chose comme ça ait lieu. Autre chose encore, dans la culture iranienne, au contraire de ce que pense Freud, avant l'islam, la prohibition de l'inceste n'existait pas. Il existait en Iran une coutume appelée « khoydouda ». Ce qui veut dire « mariage avec un individu de la même famille ou du même sang ». Comme une sœur, une mère, un père. Vous en voyez des exemples dans le livre des rois de Ferdowsi. L'arrivée de l'islam en Iran a apporté avec elle la prohibition de l'inceste. Mais dans la période contemporaine, les Iraniens se sont imaginés que la psychanalyse allait engendrer un chaos sexuel ou encourager l'inceste. Ah oui, ça s'est bien passé? Oh, ça a été dantesque. Mais elle est délicieuse, cette femme. Mmh. Elle a dit que je réprimais trop toutes mes pulsions vis-à-vis du mariage et des enfants. Mmh. Alors, je me suis rappelé que gamine, une fois, par hasard, j'avais vu mes parents faire l'amour. Vrai? Et tout ça pendant la première séance? C'est fascinant. Moi, ça fait 15 ans et rien. Rien de tout ça. Oh, et je lui ai raconté mon dernier rêve et j'ai pleuré. Tu as pleuré? Mais moi, jamais je n'ai eu ce résultat. Mais c'est fascinant. Je me lamente. Moi, je suis assis là, je me lamente. Alvi, dans mon rêve, Frank Sinatra réussit à m'étouffer avec un polochon, alors je suffoque. Et elle dit que tu t'appelles Singer. Et Singer, en anglais, ça veut dire chanteur. Ce qui signifie, moi? Eh oui, oui, toi. Parce que dans le rêve, je casse les lunettes de Sinatra. Sinatra, or, et depuis quand Sinatra a des lunettes? Ça veut dire quoi? Tu insinues donc que c'est moi qui veux t'étouffer? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Eh ben, elle a dit que pour moi, le bon rythme, c'était 5 fois par semaine. Et tu vois, j'avoue que je suis pas contre l'analyse, au fond. Le seul problème dans l'histoire, c'est vais-je perdre ma femme? Perdre ta femme? Perdre ma flamme. Oui, d'accord, mais tu as dit perdre ma femme. Non, c'est faux, j'ai dit vais-je perdre ma flamme, Alvi. Ah, tu as dit vais-je perdre ma femme. Flamme, j'ai dit flamme. Elle a dit vais-je perdre ma femme. Et puis au fait, je lui ai dit que j'étais persuadée que tu ne m'avais jamais réellement prise au sérieux. Parce que tu me trouvais trop bête pour toi. Ce qui est commun, c'est un certain corpus de référents, d'histoire, que nous retrouvons aussi bien dans le texte biblique que dans le texte coranique. Cette référence commune fait que, en fait, ces trois religions sont de la même essence, avec des trajectoires historiques différentes. Par exemple, Abraham vieux, Sarah vieille, 70 ans, Abraham plus. Abraham et Sarah sont obligés à faire un certain nombre d'opérations dans le but d'acquérir une postérité. Il a cette servante égyptienne, Agar. Et il est autorisé par sa femme d'avoir un enfant d'elle pour qu'il ait une postérité, puisque Dieu lui promet une postérité, et cette postérité tarde à venir. Et tout ça, finalement, va aboutir à... D'abord, il va avoir un enfant, Ismaël, de la servante. Et dans un deuxième temps, va se faire cette opération d'engendrement divine, puisque Sarah, elle a 70 ans. Donc il a fallu que Dieu se mêle, et ça donne Isaac. Et donc, Mahomet connaissant ce récit, l'ayant connu, il va s'articuler, justement, comme descendant d'Ismaël. Alors, il y a plusieurs choses là. La première, c'est d'abord la constatation que le père, dans cette histoire, le père d'Ismaël, c'est bien Abraham. Alors que, pour Sarai, pour engendrer Isaac, c'est Dieu lui-même qui s'en mêle. Nous retrouvons donc là la figure qui va se répéter dans le christianisme, où Joseph est dans une posture de père symbolique, alors que c'est Dieu lui-même qui se mêle de la procréation. Par la suite, on constate, alors que le Coran reprend tous les personnages de cet épisode biblique, sauf Agar. Agar n'est pas dans le texte coranique. Donc il y a eu un effacement premier de l'ancêtre mère dans le texte coranique. Les conséquences, me semble-t-il, sont considérables, car effacer la figure féminine comme figure d'ancêtre, eh bien, c'est un acte qui va, je crois, se poursuivre de diverses manières dans l'histoire de l'islam. Je considère que c'est là le refoulé majeur de l'islam. Freud dit que les religions sont fondées sur le refoulement, l'effacement de la figure d'Agar et le refoulé de l'islam. En effet, la question de la place de la femme est un élément central dans l'entrée de la psychanalyse dans la culture. Parce que les hystériques qui, à partir desquelles Freud a inventé la psychanalyse, eh bien, c'était les femmes européennes qui sortaient du carcan du patriarcat et entraient dans l'espace public. Donc, elles pouvaient dire leurs plaintes, manifester leur misère psychique. Et donc, c'est une des conditions de l'entrée de la psychanalyse, c'est la situation, en effet, de la femme. Comme partout ailleurs dans le monde, et l'Iran ne fait pas exception, la psychanalyse s'adresse principalement à une élite citadine, intellectuelle et bourgeoise. Mais alors vers qui se tournent les classes populaires? Vers les religieux, bien sûr. Le conseiller Saïdi est diplômé d'un master en psychologie et psychothérapie. C'est au bureau de propagande islamique que je le rencontre. Monsieur le conseiller Saïdi, est-ce que c'est courant de trouver des psys parmi les religieux? Oui, en Iran, les gens ont appris à s'adresser aux personnes qui font la promotion de l'islam et à se sentir à l'aise avec elles. C'est comme vous avec les curés. Et surtout avec les religieux professionnels spécialisés dans la consultation. Et cela est un phénomène bien plus ancien que la psychanalyse. La psychanalyse a plus d'un siècle. Mais l'islam existe depuis 1400 ans. C'est mentionné dans le Coran, dans la sourate Nessa, dans le verset 34 et 35. Il est conseillé aux gens, surtout aux familles, en cas de problème, d'aller consulter les sages et ceux qui pourraient les guider dans la vie. Tout en émettant une condition à cela. Ces personnes doivent être dignes de confiance. Gardez vos secrets dans leur cœur. Ils doivent être eux-mêmes des personnes pures. Allez leur parler. Confiez ce qui vous tracasse. Par défaut, les gens parviennent plus facilement à tisser un lien avec nous. Ils se sentent d'autant plus à l'aise avec un religieux psychologue. Et pourquoi? Parce que le Coran donne un cadre. Nous ne reconnaissons pas la liberté totale de l'être humain. La différence de l'islam avec l'école de psychologie humaniste de Rogers est que Rogers dit que si quelqu'un vient vous consulter et demande « Monsieur, je me sens mal à chaque fois que je prie, que dois-je faire ?» Rogers répond « Eh bien, s'il te demande cela, conseille-lui de ne plus prier. » L'islam ne dit pas du tout ça. Si quelqu'un vous consulte en vous disant qu'il se sent mal à chaque fois qu'il prie, en vertu de Socrate et de la psychologie cognitivo-expérimentale, posez-lui des questions socratiques, la maïotique socratique. C'est aussi ce qu'on appelle CBT, la psychothérapie cognitivo-expérimentale. Viens me dire pourquoi tu te sens mal. À quel moment exactement te sens-tu mal? Il faut adopter la maïotique socratique et demander pourquoi. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il ne faut pas prier, non. من چه دانستم که عشق این رنگ داشت و از جهان با جان من و از جهان با جان من آهنگ داشت. در اسلام میگن که این که فروید روی صوفا میخواد. En islam, ce qui dérange, c'est le fait que Freud allongeait ses patients et leur demandait d'aller puiser dans leur inconscient, de raconter leur enfance. Au point que certains des patients de Freud lui confiaient qu'ils avaient été violés dans l'enfance. Ça, l'islam ne le reconnaît pas. L'islam dit, les secrets qui ont rapport avec le personnel, l'honneur des gens, ceux qui sont très lourds, quand ils ne concernent pas des cas frôlant la maladie, ce sont des préoccupations, pas des désordres. L'islam dit, si ce ne sont que des problèmes, ils ne doivent pas être résolus par la psychanalyse. Parce que les êtres humains doivent se respecter. Nous reconnaissons que si la limite du désordre ou de la maladie est atteinte, oui. Dans ce cas, il faut parler et résoudre les conflits intérieurs irrésolus dont parle Freud. Mais la psychanalyse au sens où Freud l'entend n'est pas admise par l'islam. Nous reconnaissons la psychothérapie, mais nous ne reconnaissons pas la psychanalyse en islam, parce que l'islam dit qu'il ne faut pas confier ses petits secrets à un autre être humain qui est ton équivalent. Cela doit rester entre toi et Dieu. Olka, analysante. C'était un postulat de départ. Avant même de choisir la personne que j'allais consulter, il fallait que je sois sûre de pouvoir lui parler de tous mes problèmes, sinon ça n'aurait pas de sens. Et ça arrive tellement dans mon entourage. J'ai des amis qui vont chez un consultant, un psychologue ou un psychanalyste. Et ils ne sont pas à l'aise, particulièrement lorsqu'il s'agit d'aborder les questions d'ordre sexuel. Et je trouve ça dangereux. C'est-à-dire que cela prend une mauvaise tournure en Iran. D'un côté, consulter, faire une analyse, c'est en train de rentrer dans les mœurs. Mais de l'autre, il n'y a aucune façon de contrôler les compétences des psys. Et je pense que ça met en danger les personnes qui consultent, parce qu'elles n'ont pas assez de connaissances dans ce domaine. Avant que Freud ne devienne psychanalyste, il s'est intéressé à l'hypnose. Dr Saïdi, conseiller religieux. L'islam ne reconnaît pas l'hypnose totale, car elle dépossède l'être humain de ses moyens et de sa conscience. Nous n'avons pas le droit de priver l'être humain de ses moyens. Nous n'avons pas le droit de débrancher un être humain et de lui poser des questions au point qu'il se mette à nous révéler ses moindres secrets comme un abus sexuel qu'il aurait subi étant enfant. Pour le reste, l'islam n'entre pas en conflit avec la science. La raison pour laquelle l'islam n'autorise pas la psychanalyse, c'est parce qu'elle considère que les êtres humains sont libres et le degré de liberté, de conscience et de pensée de l'être humain doit être respecté. L'islam accorde beaucoup d'importance à la conscience et à l'éveil de l'être humain. Parce que Dieu dit que la différence entre nous et les animaux et qu'il nous a dotés de la parole, du discours, de la capacité de parler et d'imaginer. L'islam n'acceptera jamais que l'être humain se retrouve dans un état d'inconscience totale, parce que l'être humain inconscient est privé de la capacité de choisir. Il n'est plus alors un être humain conscient, la conscience lui a été retirée. L'islam dit « Je vous récompense pour vos bonnes actions accomplies en toute volonté et conscience. » Mais si, en pleine disposition de vos moyens, vous avez fait des mauvais choix, vous serez châtié. Les châtiments et les récompenses divines se basent sur l'état de conscience de l'être humain. هوای دلدار دیگر کردی، مهر مرا ز سر به در کردی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، اونجا که میری نمیدونم کجاست، زمین شادیه یا جای غماست، خاک غریبه هست و یا آشناست، بگذر از این سفر تو بیمونه رو. تو پژمردشی تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو بگذر از این سفر تو بیمانه رو. عباس امید، پسیکانالیست. خب از مرگ صحبت بکنم. Parlons de la mort. Ce qui me semble le plus important à propos de ce que mes compatriotes pensent de la mort, c'est son déni. Nous avons grandi dans une culture et une société où la mort a été niée. Et dans le même temps, la mort est considérée comme un outil pour atteindre la vie éternelle. Elle n'est pas considérée comme une mort. C'est une vision de la mort très différente de l'approche de la mort dans la psychanalyse classique. Nous sommes confrontés à une culture dans laquelle la mort est clairement niée. Mais cela ne veut pas dire que la peur de la mort n'existe pas pour autant. Le déni n'en est que plus profond. Mohamed Sanati, psychanalyste. Dans la société orientale et la nôtre, on observe une forme de glorification de la mort, du deuil et du sacrifice, du martyr surtout, et du rôle du martyr plus que le sacrifice en lui-même. L'individu entre dans une schizophrénie paranoïde qui lui fait croire que le père ou le fils est son ennemi. Et donc, pour se préserver, il va falloir qu'il tue l'autre. Il va falloir que quelqu'un soit sacrifié. Au cœur de cette notion du sacrifice, ce qu'on voit, c'est bien la peur de la mort. Islam sur le divan, un documentaire de Seham Boutata, réalisé par Alexandra Longuet, mixage Vincent Venet. avec les psychanalystes Mohamed Sanati, Abbas Omid et Fethi Benslama, Olka, professeur de musique et de théâtre pour les enfants, le conseiller religieux Saïdi, et la participation de Atik Raimi, écrivain et réalisateur, et Mitra Farahani, réalisatrice. À la traduction, Elika Hedayat et Bahar McCoy, aux voix, Éléonore Krenik, Xavier Martinet, Benoît Bouscarel, Anna Baron et Luca Meliava. Avec le soutien de Gulliver, une initiative conjointe de la SACD, la SCAM, la RTBF, la SACD France, la SCAM France, la SSA, Proliteris et la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez vous allonger, bibliographie, lien, nous podcaster pour la salle d'attente ou nous réécouter à Téhéran, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, deuxième épisode, la psychanalyse au Liban et si Beyrouth pensait ses plaies. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.